Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tuko na salimia kila moja wenu mchina na bwana wetu Yesu Kristo. Nous saluons les frères et les sœurs qui sont en ligne. Na tunasalimia banduku na wadada beko kumtandao. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tushimame njoo usome neno. Dans Ruth au chapitre 4. Mon luta sura kiaine. Verset 15. Mustariaki ya kuminatano. Jusqu'au verset 22. Kufika paka na mustariaki ya makumimbiki na mbili. Et nous prendrons encore 2 Corinthiens chapitre 13. Na kisha tutabeba wa Korinto wa pili sura yake ya 13. Dans son verset 11. Mu mstari yake ya 11. L'alpha et l'oméga. Alpha na omega. Tu es l'unique, le premier et le dernier. Nwe peke yako ndio wa kwanza na wa mwisho. C'est toi qui étais mort. Ni weye njo ulikufa. Tu as été enterré. Ulizikwa. Et le troisième jour. Na siku ya tatu. Tu es revenu à la vie. Ulifufuka. Et aujourd'hui tu vis d'éternité en éternité. Na leo unaishi milele na milele. À toi la gloire. Kwako utukufu. À toi l'honneur. Kwako heshima. À toi la puissance, kwako uwezo, de siècle en siècle, milele na milele. Nous sommes l'œuvre de ton travail. Sie ni kazi ni matokeo ya kazi yako. Nous reconnaissons ce que tu as fait au bois du calvaire. Tunatambua kile ulifanya kule kumcha Calvario. C'est pourquoi ce soir, ndio kwa maana imangaribi, avec affection dans nos cœurs, na mapendo ndani ya mioyo yetu, nous sommes venus auprès de toi. Tunakuja kwako. Pour que toi seul tu nous donnes la portion du jour. Ndio uepeke utupatie sehemu ya siku. Qui nous permettra d'avoir la force. Ile iteturuhusu tupate kuwa na nguvu. De marcher. Ya kutembea. Avec assurance. Na atikisho. Avec foi. Na imani. Avec force. Na nguvu tele. En attendant ton retour. Mukongojea kurudia kwako. Bénis ton peuple. Bariki taifa yako. Bénis tes serviteurs. Bariki watumishi yako. Bénis la parole que nous allons lire. Bariki neno tasoma. Les frères et les sœurs qui sont connectés en ligne. Banduku na badada benye kwa kufuata mtandao. Qu'ils reçoivent la même bénédiction que nous. Bapoke baraka mamoya sawa sisi. Merci Seigneur. Asante Bwana. Du début à la fin. Mwanzo hata mwisho. Que ton nom soit honoré. Jina lako reshimishwe. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu Kristu. Nous te prions. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Ruth au chapitre 4. Luta ine. Verset 15. Mustari yake ya 15. Cet enfant restaurera ton âme. Uyu mtoto atafariji nafsi yako. Et sera le soutien de ta vieillesse. Na atakuwa msaada yako mzee. Car ta belle-fille que tu aimes t'a enfanté, tu l'as enfanté. Kwani mko yako mwenye unapenda anakuzalia. Elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Ule anastahili kwako kushindia hata watoto saba. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein. Na Naomi akachukua mtoto na akamweka mchifua yake. Elle fut sa garde. Na akamchunga. Les voisins lui donnèrent un nom en disant. Na bajirani bakanza kumpatia njina mkusema. Un fils est né à Naomi. Mwana anazalikwa kwa Naomi. Et il appelait Obed. Na bakamwita Obed. Ce fut le père d'Isaïe. Njo alikuwa baba wa Isaïe. Le père de David. Baba wa Daudi. Voici la postérité de Peret. Na tazameni kizao kia Peret. Peret engendra Etson. Peret akamzala Etson. Etson engendra Ram. Etson akamzala Ram. Ram engendra Abida Aminadab. Na Rab akamzala Aminadab. Aminadab engendra Nakshon. Aminadab akamzala Nakshon. Et Nakshon engendra Salomon. Na Aminashom akamzala Salomon. Et Salomon engendra Boaz. Na Salomon alizala Boaz. Boaz engendra Obed. Na Boaz akamzala Obed. Obed engendra Esaïe. Na Obed akamzala Isaïe. Et Esaïe engendra David. Na Isaïe akamzala Daoudi. Dans 2 Corinthiens au chapitre 13, verset 1, 11. Au reste, frère, soyez dans la joie. Mupate kuya katika furaha. Perfectionnez-vous. Mujikamilifche. Consolez-vous. Mujifariji. Ayez un même sentiment. Mukuye namania moya moya. Vivez en paix. Muishi musalama. Et le Dieu d'amour. Na Mungu wa mapendo. Et le Dieu de paix. Na Mungu wa salama. Sera avec vous. Atakuya pamoya na mweye. Que Dieu ajoute la Mungu bénédiction. Mungu engeze baraka kusomi wa neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Munaweza kula. Le mariage de Ruth avec Boaz. Ndoa ya Luta pamoya na Boaz. Fut le couronnement de tout le travail que Ruth avait fait. Il kuanitaji ile a ile kazi yote Luta alifanya. C'était le fruit de sa foi. Il kuya njo matunda ya imani yake. De son amour envers le Dieu d'Israël. Ya mapendo yake kwa Mungu wa Israeli. Et de son attachement envers le peuple de Dieu. Na ile ambatanisho alikuwa nayo kutaifa ya Mungu. Si nous aimons sincèrement notre Dieu. Kama akika tunampenda Mungu wetu. Qui est le Dieu d'Israël? Ye mwenye kuya Mungu wa Israeli. Et nous aimons sincèrement son peuple. Na akika tunapenda taifa yake. Nous serons récompensés. Tutapata malipo. Et notre récompense. Na malipo yetu. Se révèle dans Jean au chapitre 14. Ikunonekana ni Yohana 14. Après avoir reçu le Saint-Esprit. Kisha kupokea Roho Mtakatifu. Qui est le gage de notre rédemption. Yenye kuya atikisho ya ukombozi yetu. Dans Jean au chapitre 14, mu Yohana sura ya 14, dans son verset 1 nous lisons, mu mstari ya kwanza tunasoma, jusqu'au verset 3, kufika pana mstari ya 3, que votre cœur ne se trouble point, moyo yenu isivuruke kamwe, croyez en Dieu et croyez en moi, mwamini ndani ya Mungu na mwamini ndani yangu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Kuko makao ya mingi ndani ya nyumba baba yangu. Si cela n'était pas, kama je l'aurais dit. Ile kukuyeku nilipasha kumiambia. Je vais vous préparer une place. Naenda kumitarishia fazi. Et lorsque je m'en serai allé, na mwakati mitaenda, et que je vous aurai préparé une place, na kisha kumitarishia fazi, je reviendrai, nitarudia, et je vous prendrai na avec moi, beba, pamoja na mie, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Kusudi pale mimi takuya, mupate kuya na mweye. C'est vrai, bien-aimé frère et sœur. Ni kweli nduku na dada mpendwa. Ça c'est la récompense de l'épouse. Iye ni maripo ya bibi harusi. Après avoir travaillé, kisha kutumika, après notre scellement du Saint-Esprit, kisha kutua kwetu kwa muri ya Roho Mtakatifu, nous restons tout en étant calme, tukunabakia benye kutulizana, avec un cœur non troublé, un cœur dans la paix. Moyo yenye kuwa msalama, haina na mvuruko. Avec notre âme dans un véritable repos. Na nafsi yetu mu mapumziko ya kweli. En attendant le retour de notre Seigneur, notre Boaz. Mukongojea kurudia kwa bwana wetu mwenye kuya Boaz. Pour qu'il vienne nous prendre, kusudi apate kuya kutuchukua, afin d'aller avec lui au ciel, tupate kwenda naye kumbingu. Et nous ne serons jamais les habitants de cette terre, na atutakuyaka kamwe bakaji baidunia. Nous serons les habitants célestes, na tutakuya bakaji bakumbingu. Comme Ruth est allée habiter avec Boaz dans son palais, Favile Luta arenda kukala na Boaz mchumba yake ya kifalme. Nous l'épouse, na sisi bibi harusi, nous habiterons dans la nouvelle Jérusalem, na shitekala mu Yerusalemu mupya. Cette ville céleste, ile muji ya kimbingu, qui descendra du ciel, ile itashuka toka mbingu, et qui sera au-dessus de la nouvelle de la Jérusalem ancienne, na itakuya yulu ya Yerusalema ya zamani, la Jérusalem actuelle qui est encore sous la servitude, ah Yerusalema yeyi ingariki chini ya utumwa. Nous ne vivrons jamais, nous ne vivrons plus sur la terre, atutaishi tena pa dunia. Nous serons dans la nouvelle Jérusalem, takuya mu Yerusalema mupya, dans laquelle nous vivrons d'éternité en éternité avec notre Boaz. Vule tutaishi milele na milele pamoja na Boaz. Notre Seigneur Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Kristu. C'est là notre dernière récompense. Njo malipo yetu ya mwisho. Le travail de Ruth. Kazi ya Luta. Sa récompense. Ma ripo yake. Après qu'elle soit mariée avec Boaz. Kisha kuungandoa na Boaz. Comme nous l'avons lu ici. Pas de tulisoma. Ruth engendra Obed. Luta akazala Obed. Obed engendra Esaïe. Na Obed akazala Isaïe. Qui est le père de David. Mwenye kuya baba wa Daudi. Et David est le père de notre Seigneur Jésus-Christ. Na ni Daudi njo baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Quelle grande récompense! I malipo mkubwa kani. D'avoir dans la lignée kuya mkizazi de Boaz et de Ruth. Ya Boaz na Luta. Le véritable rédempteur. Na mkombozi wa kweli. Le véritable sauveur. Mkombozi wa kweli. De toute l'humanité. Wa ulimwengu mzima. L'unique qui va ramener la paix sur la terre. Yule peke ataleta salama pa dunia. Parce qu'il est le prince de la paix. Sababu yeye ni mfalme wa salama. Jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Kufika parana kurudia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Avant qu'il ne vienne régner dans le millénium. Bele yeye kutawala mu miaka elfu. N'espérez jamais la paix sur la terre. Mushipime kutumainia kwamba patunia panaweza kuwa salama. La paix ne viendra pas d'un homme. Salama haitatokeako kwa mtu. Aucun gouvernement ne peut apporter la paix au monde. Hakuna serikali atamoya inaweza kuleta salama pa dunia. Et vous pouvez le constater. Na munaweza hata kuiona. Même l'ONU. Ata yenye ONI qui fut fondé pour amener la paix sur la terre. Ile ilianzishwa njuu ya kuleta kusalama pa dunia. A échoué complètement. Inesha kushinda kabisa kabisa. C'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ notre Boaz. Ni mwakati ile Bwana Yesu Kristo Boaz wetu. Comme prince de la paix. Yesa mfalme wa salama. Viendra régner sur la terre. Wakati atawala pa dunia. Sur le trône de son père David. Patiti kia enzi kia baba yake Daudi. Il n'y aura plus de guerre. Akutakuwa tena vita. Tout sera la paix. Yote itakuwa ni salama. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Dans 2 Corinthiens au chapitre 13. Wakorinto apili sura yake ya 13. Pour achever la pensée d'hier. Vya kumaliza wazo ya jana. Dans son verset 11. Mustari yake ya 11. C'est même la conclusion de cette affaire. Jo inye mwisho ya imambo. Au reste, frère, kwa mabaki nduku, soyez dans la joie. Patekuya katika furaha. Perfectionnez-vous. Mujikamilishe. Et consolez-vous. Na mujifariji. Ayez un même sentiment. Mukuye na mania moya. Vivez en paix. Mupate kuishi msalama. Et le Dieu d'amour. Na Mungu wa mapendo. Et de la paix. Na wasalama. Sera avec vous. Atakuya pamoja na mweye. Soyez en paix. Mwe msalama. Avec votre Dieu. Pamoja na Mungu wenu. Soyez en paix. Mwe katika salama. Avec l'église. Pa, na kanisa. Vivez en paix. Muishi katika salama. Avec vos frères et vos sœurs. Na banduku yenu, na badada yenu. Vivez en paix. Mwe msalama. Dans vos familles. Majama yenu. Que le mari soit en paix avec sa femme. Bwana apate kwa msalama na bibi yake. Que la femme vive en paix avec son mari. Aishi katika salama na bwana yake. Que le papa soit en paix avec ses enfants. Baba akuwe msalama na batoto yake. Que les enfants soient en paix avec leur batoto, père. Ba msalama na baba yabo. Que la maman vive en paix avec ses enfants. Mama aishi msalama na batoto yake. Et que les enfants vivent en paix. Na batoto na bo baishi msalama. Avec leur mère. Na bazazi yabo. Quand tout sera en paix. Wakati le duote bitakuwa msalama. Quand tous vivront en paix. Wakati batu bote bataishi msalama. L'église en paix avec son berger. Kanisa msalama pamoja na mchungaji wabo. Le berger en paix avec son église. Na ye eko msalama na kanisa. Le conducteur en paix entre eux. Baongozi na bo katikati yabo beko msalama. Le Dieu d'amour. Mungu wa mapendo. Et le Dieu de paix. Na Mungu wa salama. Déversera. Jo atashusha. Au milieu de nous. Katikati yetu. Toutes sortes de bénédictions. Aina yote ya baraka. Voulez-vous être béni? Et si mnapenda kubarikiwa? Qui veut être béni? Nani anapenda kubarikiwa? Alors soyons en paix. Sasa tuwe msalama. Et Frère Banam dit ceci. Et Frère Franck nous conseille ceci. Nduku Franck et on est chauri à Ivi. Dans le mariage, problème ancien. Mu maubiri ndoa mambo ya zamani. À la page 46. Ku katasi yake 46, makumi ine na sita. Les hommes non plus. Batu banaume. Les hommes non plus. Batu. Ne doivent pas se permettre de faire ce que Dieu ne leur a pas accordé de faire. Banaume nabo abawezi kufanya tena ile Mungu ashikubaruhusi kufanya. Les hommes. Banaume batu. Ne doivent plus faire. Abawezi tena kufanya. Et ne doit plus se permettre. Abawezi tena kujirusu. De faire ce que Dieu ne leur a pas accordé de faire. Kufanya bile bile avec moi. Mungu ashikubaruhusi kufanya. Si nous sommes la postérité d'Abraham. Kama tuko tu uzao ya Ibrahimu. Et que nous avons été rachetés par le sang de Christ. Na tununuliwa kupitia damu ya Kristo. Il ne nous est plus permis. Aiturusiwe tena. De faire ce que Dieu ne nous a pas accordé de faire. Kufanya bile Mungu asikuturuhusu kufanya. Notre obéissance. Utifu wetu. Pas une obéissance partielle. Hapana utifu ya kipande. Nous devons être obéissants en toutes choses à Dieu. Tunapasha kuwa batifu mubitu byote kwa Mungu. Cela doit nous interpeller. Ile inapasha kulamusha dhamiri yetu. Ou cela interpelle chacun de nous. Ile inapasha kulamusha dhamiri ya kila mmoja wetu. De vivre chaque parole ya qui sort de la bouche du Seigneur. Kila neno inatoka mkinywa wa Bwana. Cela doit aider chacun de nous. Ile inapasha kusaidia kila mmoja wetu. À ne pas briser la parole de Dieu. Dieu asivunje neno la Mungu. Kama Mungu anakataza kintu, si Dieu nous refuse quelque chose, kwa watoto yake, à ses enfants, ushikifuanye, ne le fait pas. Que chacun de nous, kila mmoja wetu, apprenne à posséder, ajifunze, à posséder, kushika, à posséder, kushika, son corps, mwili yake, son esprit, roho yake, ses sentiments, mania yake, ses impulsions, hata mawazo yake mazima, sa convoitise, tamaa yake, ses mauvaises pensées, hata mawazo yake mbaya. Que Dieu nous donne ce privilège. Qu'il nous fasse grâce. Kwele neema, de nous posséder. Kujishika, pour ne plus être tena, les instruments de Satan. Yombo ya Shetani. Que chacun dit. Moja wetu apate kusema, c'est assez. Kuna enea, Satan a tellement utilisé notre esprit. Artumia sana, il a utilisé notre corps. Mwili yetu. Mais aujourd'hui, sasa, apa, c'est sasa, assez. Kuna enea. Je prends la résolution mina chukua sa mipango de vivre en paix ya kuishi katika salama avec Dieu na pamoja na Mungu avec l'église na kanisa avec toute la famille na jamaa yote parce que j'attends mimi nachunga aller vivre kwenda kuishi dans cette cité céleste mu ile muji ya kumbingu. Bienheureux tous les frères baeri banduku bote. Et toutes les sœurs na badada bote qui se placent sous l'autorité bale beko ne jueka chini ya mamlaka de chaque parole de Dieu ya kila neno la Mungu et qui la vive na beko na ishi ile neno. Béni barikiwe soit tous les frères banduku bote. Que tous les frères banduku bote et toutes les sœurs na badada bote soient bénis de l'Éternel. Mabarikiwe kwa milele. Amen. Lorsqu'ils se placeront wakati le batejiweka sous l'autorité chini ya mamulaka de chaque parole de Dieu ya kila neno la Mungu et la vivront na beko naishi. C'est vrai frère ya kweli nduku. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu Christu. Soyez heureux. Mupate kwa baeri. Amen. Au nom de Jésus Christ. Mujina la Yesu Christu. Soyez heureux. Mupate baeri banamuke. Chacun de vous. Kila moja wenu. Qui accepte volontiers. Ula na kipendalo. De se placer. Ya kujiweka. Sous la soumission. Chini ya utiifu. Sous l'autorité. Chini ya mamulaka. De toute la parole de Dieu. Ya kila neno la Mungu. Et qui a pris la résolution. Anabeba mipango. De vivre ya chaque parole de Dieu. Kila neno la Mungu. Que le sang de Jésus Christ. Damu ya Yesu Christu. Couvre chacun de vous. Ipate kufinga kila moja wenu. Amen. Pour que Dieu du ciel Mungu wa kumbingu ne voie plus vos erreurs. Ashone tena makosa yenu. Pour que le Dieu du ciel Mungu wa kumbingu à cause de l'œuvre du calvaire kwa ajili ya kazi ya Calvario vous justifie tous. Amiesabia akimobote. Qu'il prenne vos péchés achukue mazambi yenu et qu'il les mette dans la main de na ayeke mubari ya kusabu. Quel est le travail de ce qu'il a accompli au bas du calvaire? Il a kumucha calvario. Et son effet. Na ikuye na matokeo yake. Sur nous et en nous. Yulu yetu na ndani yetu. Pour que chacun de nous. Tout kila moja wetu. Soit le fruit du travail. Apate kuya matunda ya kazi. Il a accompli au bas du calvaire. Il est Christ qui a timisa kumucha calvario. Qu'il soit accordé. Ah, mipewe. À chaque frère. Kwa kila ndugu. D'entre nous. Katikati yetu. De se soumettre. Apate kuya ujitisha. À Christ. Kwa Kristu. Qui est. Mwenye. Sa tête. Kuya kichwa yake. C'est vrai. Ya kweli. Et que pareillement. Na vile vile. Pour chacune de nos sœurs. Kwa kila dada yetu. Puisse-t-elle se soumettre apate kujitisha à leur mari yabo, comme si c'était au Seigneur kwa bwana. Amen. Et que les enfants na batoto nabo, obéissent kuti, à leurs parents bazazi yabo, et honorent leur père et leur mère baba yabo na mama yabo, et que les pères na baba, n'irritent pas leurs enfants mushishirikishe batoto. Ainsi de suite, afin que l'église toute entière est composée de tous les membres, puisse parvenir à une vie harmonieuse qui est agréable à Dieu. C'est vrai. Que Dieu le fasse. Mungu apate kuitimiza pour chacun de nous. Juu ya kila moja wetu. Efo banam dices. Na ndugu banam asema hivi. Question réponse. Maulizo na majibu. Question réponse numéro 3. Maulizo na majibu namba 3. Paragraphe 306. Anuta yake ya 306. Allez jusqu'au paragraphe. Munaweza kwenda hata kunukta yake ya 309. C'est vrai. Ni kweli. Soyez et vous les frères. Mukuye na mwe banduku. Et vous les frères. Na mwe banduku. Soyez simplement un mari. Kuya tu bwana. Soyez un chéri. Kuya mupendwa. Pour votre femme. Ju ya bibi yako. Respectez-la. Mheshimie. Comme vous l'avez toujours respecté. Paka vile na mheshimiaka. N'accordez la moindre attention à certains des livres. Na ushangarishisha ata kitabu kimoya. À certains des livres. Kwa kitabu kimoya. Ces livres qui traitent de folie. Ile kitabu unasemezea jua bazimu wala jua buchafu. Ne consultez plus ces livres. Pana kwanza kusoma ile mabitabu ya vile. Qui traite de futilité. Ile unasemezea tubitu ya bule bule. Que les frères. Banduku. Qui s'inspire. Bale bena pata uvuto yabu. Si les choses qu'il voit dans les YouTube, yule habitu vile kunaona ma YouTube, ma Facebook, si les WhatsApp, ma WhatsApp, c'est loin de ces choses. Bendi mbari na vile bitu. Faites sortir ces choses corrompues dans votre esprit. Tosha vile bitu vya buchafu moyo yako. Il n'y a aucune éducation. Hakuna mafundisho hata moya. Que vous pouvez tirer. Ile unaweza kutosha. Des démoniaques. Kutokea batu ba mademon. Non frère. Apana nduku. Tous les conseils. Mashauri yote. Se trouve dans la parole. Inapatikana ndani ya neno. Si tu ne sais pas se soumettre à la parole de Dieu. Kama we auye kujitiisha kuneno la Mungu. Pour être en paix avec Dieu. Juu ya kuya msalama na Mungu. Avec ta famille. Na jamaa yako. Ce ne sont pas ces conseils, ces faux conseils. Aina ile mashauri ya bongo. Des impies. Ya batu ba chibaovu. Des histoires mensongères. Ma hadithi moya ya bongo. Inventé de toutes pièces. Yenye kutunga fazi yote. On trouve dans les YouTube. Ile tunapata ma YouTube. Sur le Facebook. Ma Facebook. Et sur le WhatsApp. Na pa WhatsApp. Qui peuvent révolutionner votre vie. Jo inezi kuendesha mzuri maisha yako kumbeni. Un démoniaque. Mutu wa mademon ne peut vous donner un conseil. Awezi kumpacha shauri. Qui peut vous conduire à la paix. Ile inemizi kumipeleka kusalama. Non frère. Apana nduku. Non ma soeur. Apana dada yangu. La Bible dit. Biblia asema. Qu'il n'y ait aucun propos impur parmi vous. Kushikuye misemo ata moya ya uongo. Lorsque vous professez la sainteté. Wakati le muku nakiri butakatifu. Traitez cette petite dame. Mutende mwanamke. Cette petite dame, votre femme. Uyu mupendo wako, mke wako. Comme votre petite chérie. Sa vile mupendo wako kidoko. Si elle a 60 ans. Kama eko na 60 ans, miaka. Oye toujours le même. Upate kuwa paka ule mwamoya. C'est vrai, quel bon conseil du Saint-Esprit. Bien, ni shauri mzuri ya Roho Mtakatifu. Que chaque frère. Kila nduku. Marié. Mwenye kolewa. Aime sa femme. Apende bibi yake. De l'amour qu'il avait aimé. Quand il avait rencontré le premier jour. Là tu es pur. Ah, pale uko safi. Et tu es saint. Na uko takatifu. Devant Dieu. Mbele ya Mungu. Et tu seras juste en toute na chose. Utakuya wa haki mu vitu vyote. Les années. Miaka. Que vous avez vécu ensemble. Ile muliishi pamoja. Plusieurs difficultés. Magumu ya mingi. Que vous avez éprouvé. Ile mulikutana nayo. Toutes les choses négatives. Vitu vyote vya obongo. Que vous avez vu dans votre femme. Muliona ndani ya mke wako. Ne peuvent vous empêcher. Abiwezi kumizuiza. D'aimer votre femme. Penda mke wako. Comme une véritable chérie. Sawa mupendo wa kweli. La mère de tes enfants. Mama wa watoto yako. Non frère. Hapana nduku. Que l'amour mapendo couvre ipate kufinika cette multitude de péchés. Il est bwingi ya mazambi. Dans le mariage, mundoa, il n'existe pas de péché impardonnable. Akukalaki zambi asipokurumia. Soyez ces galants compagnons. Ukuye ule galant mukushindi. Un gentleman. Mwanaume wa kweli. Souvenez-vous. Ah, mukumbuke. Que vous l'êtes si tu es un chrétien. Ya kwamba ukule mwanaume wa kweli kama Mungu. N'essayez aucune de ces nouvelles choses. Ushipime ataki moya bitu ya sasa. N'attendez pas de nouvelles expériences dans votre couple. Kupima kuingisha maonjo ya sasa. Je sais de quoi je parle. Mina yua benye nasema. Soyez simplement un mari et un véritable frère, un véritable chrétien. Soyez un mari véritable pour ta chérie et soyez un véritable frère pour ta sœur en Christ. Dans ton foyer, soyez unis par les deux relations. Pate kungana kupitia ile mapatano mbili. Unamtendea unamwema comme une fille de Dieu. Biako sawa mtoto wa Mungu mwanamke. Sawa bimalikia. Et soyez un véritable frère. Na upate kwa nduku wa kweli. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Soyez aussi un véritable mari. Na ukue bwana wa kweli. C'est vrai. Ya kweli. C'est déshonorant. Ni vitu ya kosa heshima. De voir. Kuona tu. Le prince. Ah, le prince. Mtoto wa mfalme. Et le princesse. Na binti wa mfalme. Vivre comme des démons. Banze kuishi kama shetani. Non, cela. Hapana ile. N'est pas agréable au Seigneur. Aina ya kumpendeza Bwana. Vivez correctement avec vos chéris. Mzuri mzuri pamoja na wapendwa wenu. C'est vrai. Ni kweli. Vous êtes mes enfants à vous. Mungu watoto yangu, mwe kwenu. J'ai le droit de vous dire toute la vérité. Niko na mapasha kumiambia ukweli yote. Vivez correctement. Muishi muzuri muzuri. Et vous femmes. Na mweye bana mweye. Vivez d'une manière correcte. Muishi munamna ya kuloka. Vis-à-vis de vos maris. Mbele ya babwana yenu. Et vous maris. Na mweye babwana. Menez une vie correcte. Mkuwe na maisha tu ya kunyoloka. Vis-à-vis de vos femmes. Mbele ya babibi yenu. Soyez très. Mukuye. Très gentil. Bapole kabisa. Et respectez-vous. Na mujeshimiane. L'un et l'autre. Moja na mwingine. Que la femme. Mwanambibi. Soit gentil et respectueux. Akwe mupole na heshima. Envers son mari. Kwa bwana yake. Et que le mari. Na bwana na ye. Soit gentil et respectueux. Akwe mupole na wa heshima. Envers sa femme. Kwa bibi yake. Dans tous vos rapports conjugaux. Mu mapatano yote ya mundoa. Et les choses de ce genre. Na bitu vya fanana bile. Que ça soit les empreintes, que ça soit l'empreinte. Ikuye. De tout le respect. Nyao ya heshima yote. Et de toute la sainteté possible. Na mutakatifu bote buwezekanayo. Et que ça soit convenu. Na ipate entre vous. Mupate kusikilizana dans toutes vos relations, na, mapatano yote, dans tous vos rapports conjugaux, yote yenu ya mundoa, et dans toutes vos relations familiales, que toutes vos relations, mapatano yenu yote, et tous vos rapports, na mamambo yenu yote, soit ipate qu'ils aient les empreintes, ikuye na nyao, du respect, ya heshima, et de toute sainteté possible. Na mutakatifu bote kabisa. Respectez-vous. Mheshimiane. Parlez avec respect. Mwanze kusumbulia na heshima. C'est vrai. Munaona. Traitez-vous avec respect. Mwanze kutendeana na heshima. C'est vrai. Bya kweli. Agissez avec respect. Tenda tu na heshima. C'est vrai. Ya kweli. Respectez vos enfants. Mheshimie watoto wenu. Respectez vos femmes. Mheshimie respectez vos maris. Mheshimie babwana yenu. Faites honorer votre foyer. Faites honorer votre famille. Dieu ne peut pas venir. Une famille qui vit en désordre. Il est un Dieu de paix et d'ordre. C'est vrai frère. Le respect. Et la sainteté na butakatifu dans tous vos rapports conjugaux. Patano yenu yote ya mundoa. C'est vrai. Ya kweli. Ne forcez jamais. Ne bousculez jamais. Mouchanze ou combana combana. Ne soyez pas grossier et vulgaire entre vous. Ça, c'est le conseil du messager. Dans vos actes, dans vos paroles, dans vos langages, dans vos rapports, que ce soit en chambre, que ce soit au salon, que ce soit dans votre cuisine, que ce soit dans la parcelle, que vos relations et les empreintes du respect et de la sainteté fuyez le péché dans tout ce que vous faites. Ayez la crainte de Dieu. Respectez la parole. Respectez-vous les uns les autres. Respectez vos enfants. Honorez vos enfants. C'est vrai. Soyez compréhensif. Mwanze kuelewana. Parlez à votre femme. Mwanzo sumbure bibi yako. Si vous avez une certaine nature. Wakama kuna asili mwa fulani. Elle ana une autre. Na ye kuna kuachana na ile yako. Parlez-en avec elle. Musumburie. Kama una remarque bibi yako. Si remarque que ta femme. Elle a un caractère indigne à quoi tchana wei. Une nature différente. Elle a un caractère. Ton mari a un comportement vraiment différent. Ça, il tout comme un tonté à Salama. Nous sommes des enfants de la paix. Nous devons nous mettre en train. Tout le mambo. Chercher un caractère. Tout intimalié. Notre caractère. Et que nous marchons en paix. Et dans la sainteté. Et avec respect. C'est ce que Dieu attend de nous. N'allez pas te réfugier dans ton faux caractère. Il est habillé à Kouchama. Moi, c'est comme ça que je suis. Même chez nous, j'étais toujours comme ça à Pana. Non, bien-aimé frère. Si vous avez une certaine nature, et une autre, parlez-en avec elle. Essayez de faire la même chose avec lui. Comprenez-vous l'un l'autre. Soyez de vrais gentlemen chrétiens. Et de vraies dames chrétiennes. Soyez un frère. Une sœur. L'un envers l'autre. Souvenez-vous toujours. Que vous êtes des enfants de Dieu. Et vous venez d'une famille royale. Mujama yakifalme. Munatokea. Mujama yakifalme. Royale. On ne vit pas dans notre famille comme des démons. Nous va jamais engir à pas qu'ici ça m'a démona. Nous sommes déshonorables. Si et tout que béchimiwa. Nous devons savoir nous respecter. Tu n'as pas sa couille à kouchimiana. Respecter notre famille. Béchimia jamais et tout. Si nous nous respectons. Kama tu ne béchimia. La parole de Dieu ne sera pas blasphémée. Nous l'amour aïta kufuriwa. Les gens ne vont pas mépriser la parole. La foi que nous avons, c'est bon message que Dieu nous a envoyé. Nous venons d'une famille royale. Vous êtes d'un sang royal. Il n'y a pas de meilleur sang au monde que le vôtre. C'est vrai. Et un sang royal montre ce qu'il est. Si vous êtes né du sang de Jésus, vous allez manifester la nature de Christ. C'est ce qu'il est. Un sang royal. Que tous ceux qui le croient disent Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Si tu n'as pas dit Amen, Amina, tu es encore un démon. Wingariki, démon chétanique. Tu dois fournir un effort kujikaza pour naître de nouveau. Parce que Jésus, tu es un fils du roi. Que tous ceux qui le croient disent Amen. Oui, monsieur. Dio. Montrez ce que vous êtes. Je suis un fils d'un roi. Je suis un fils d'un roi. Ma femme est une fille d'un roi. Comment traiterai-je cette fille du roi? Comment traiterai-je cette fille du roi? Vous voyez, non, non. ce que je veux dire. Il a fait un affaire kusema. Soyez authentique. Mkuye bale ba wa kweli. C'est-à-dire kusema, original. Mkuye bale ba kumwanzo ba ya kweli. C'est vrai. Ya kweli. Soyez vraiment authentique. Mkuye bale ba kumwanzo. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. C'est vraiment sœur. Ya kweli dada yangu. Voilà pourquoi. Njo kwa mana. En attendant notre récompense, mu kongolea malipo yetu, restons toujours couchés, tubakie paka benye kulala, au pied de Jésus-Christ, kumikulu ya Yesu Kristo. Amen. Au bas de la croix de Jésus-Christ, chini ya msalaba ya Yesu Kristo, dans une soumission totale, mutifu ya utele, à toute sa parole. Kuneno lake lote. Mettez en pratique. Mupate kutumikia. Chaque commandement du Seigneur. Kila amri ya Mungu. Mettez en pratique. Mupate kutumikia. Chaque parole de Dieu. Kila neno la Mungu. Lorsque nous mettrons en pratique. Mwakati tutaweka tutumikia. Chaque parole de Dieu. Kila neno la Mungu. C'est à ce moment-là ni que notre Boaz, Boaz wetu nous prendra entièrement en charge. Atachukua buzito wetu yote. Et se tracassera pour nous. Na atetuangaikia. Il n'aura pas de repos. Ashita beba mapumziko. Jusqu'à ce que fika na pale. Notre véritable repos mapuziko yetu ya kweli apparence itaonekana jusqu'à ce que notre récompense malipo yetu soit réel ipate kuya ya kweli. Voyez bien mes frères, unaona nduku mpendwa. Voyez bien mes sœurs, ndada mpendwa. Si nous demeurons attachés à lui, kama tunabakia benye kuambatana naye, alors ces paroles s'accompliront dans notre vie. Si nous sommes obéissants, nous demeurons obéissants en toutes choses à Dieu, nous nous traitons avec respect mutuel. Alors ces paroles s'accompliront dans nos vies. Asa imaneno ndio itatimika maisha yetu. Jean chapitre 15. Yohano 15. Dans son verset 7. Mustari yake ya 7. Si vous demeurez en moi, kama mnadumu ndani yangu, et que mes paroles demeurent en vous, na maneno yangu nadumu ndani yenu, demandez ce que vous voudrez, mulombe kile mutapenda, cela vous sera accordé. Na ile itemipewa. C'est vrai. Ya kweli. Si nous sommes obéissants, kama tukubatifu, nous respectons toute la parole. Na tukunaheshimia kila neno la Mungu. Nous vivons en paix. Na tukunaishi katika salama. Nous nous respectons mutuellement. Na tukunaheshimiana mamoja na bengine. Nous obéissons et nous mettons en pratique. Na tukunatumikia chaque parole de Christ. Kila neno la Kristo. Alors, asa, chaque chose que nous demanderons au Seigneur, yote kile tutamlomba Bwana, dans notre vie, maisha yetu, dans notre foyer, yetu, cela nous sera accordé. Il est itetupewa. Jean chapitre 14. Yohano kumi na ine. Verset 13. Mustari yake ya tout ce que vous demanderez à mon nom, yote je langue, le ferai. Itefanya. Afin que le Père Kusudi, baba, soit glorifié dans le Fils. Atukuzwe ndani ya mwana. Si vous demandez quelque chose à mon nom, munaomba kitu fulani mujina langu, je le ferai. Itefanya. Et si vous m'aimez, kama mnenipenda, gardez mes commandements. Mchunge maamri yangu. Jean chapitre 16. Yohano 16. Dans son verset 24. Mustareke makumi mbili na ine. Jusqu'à présent. Kufika na hapa sasa. Vous n'avez rien demandé à mon nom. Amuyaomba kitu hata kimoja mjina. Demandez. Ombeni. Et vous recevrez. Na mtapokea. Afin que votre joie. Furaha yenu. Soit parfaite. Ipate kuwa kamilifu. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. Lorsque Jésus-Christ. Mwakati Yesu Kristo. Verra notre soumission. Ataona utifu wetu. L'opprobre que nous portons aïe, pour son nom, Dieu a dit à lake, notre mise en pratique de toute sa parole, c'est alors que Jésus parle, Yesu, nous donnera tupatia, ce que nous désirons. Il est tout notre recevra le Saint-Esprit. C'est vrai. Kweli, tu seras béni na dans tout ce que tu entreprendras. Biote, utafanya kama kazi. Deuxième Thessalonique. Wa Thessalonica wa pili. Deuxième Thessalonicien. Wa Thessalonica wa pili. Au chapitre 3. Ah, sura ki ya tatu. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Dio nduku na damu pendwa. Au reste. Kwa ile nabaki. Soyez en paix. Mwe katika salama. Soyez en paix. Muishi msalama. Que l'amour de Christ m'appelle à Christ vous environne tous. Deuxième Thessaloniciens chapitre 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix wasalama, vous donne lui-même la paix salama, en tout temps, yote, de toute manière. Yote, que le Seigneur wana, soit avec tous. Apate kuya na nini wote. Que le Seigneur de wana, la paix wasalama, vous donne lui-même la paix. Ye peke yake ampatie salama. En tout temps, yote, de toute manière, de toute manière, que le Seigneur wana, soit avec vous tous. C'est vrai, frère. Ya kweli. C'est vrai, ma soeur. Ya kweli, dadayangu. Et moi aussi, je dis, na mie, minasema, amen. Amen. Que le Seigneur de la paix, wana, wa salama, lui-même me donne la paix. Ye mouye, anipatie salama, en tout temps, mwakati yote, et de toute manière. Na manam na yote. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. Qu'il me donne la paix. Anipatie salama, dans mon âme. Mu nafsi yangu, dans mon esprit. Mu roho yangu, dans mon corps. Mwili yangu, dans mon foyer. Jama yangu, dans l'église. Mu kanisa, avec mes frères. Na banduku yangu, avec mes sœurs. Na badada yangu, avec les païens. Na bapagano, avec mes connaissances. Na bale mina familia. Que le Seigneur de la paix, Bwana salama, nous accorde cette paix. Atupatie ile salama. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que celui qui a des oreilles, mwenye kuwa na masikio, entende ce que l'esprit, asikie kilero, a dit à l'église, inasema na kanisa. Que celui qui est de Dieu, mwenye kuwa wa Mungu, du sang royal, wa damu ya kifalme, la famille royale, wa mujama ya kifalme, vive comme un prince, aishi sa mtoto wa mfalme, comme une princesse, sa binti wa mfalme, pour honorer notre grand roi, ya kuheshimisha mfalme, honorer notre royaume, kuheshimia kifalme yetu, honorer notre sang, na kuheshimisha damu yetu, honorer notre famille, kuheshimisha jamaa yetu. Nous ne devons pas vivre, hatuwezi kuishi, comme des païens, sa bapagano. Nous n'avons pas le droit de trahir notre race. Non, bien-aimés frères. Non, bien-aimés sœurs. Nous avons une grande responsabilité de faire honorer, de faire honorer la doctrine de notre Dieu, qui est notre sauveur. Montrons tuoneshe au monde, dunia mzima, montrons à nos frères, tuoneshe kwa nduku yetu, montrons à nos sœurs, tuoneshe kwa dada yetu, montrons aux païens, tuoneshe kwa pagano, que nous ne sommes pas de ce monde, chie atuna mwi dunia, nous sommes les fruits, chie tuko matunda, du rachat que Christ nous a accordé, ukombozi ile Christ atupatia, au bois du calvaire, kumuchi ya calvario. Nous n'avons pas le droit de vivre comme le monde, comme des païens, comme des païens. Non, bien-aimés frères, non, bien-aimés sœurs, cela déshonore notre royaume. S'il vous plaît, cela déshonore notre relation. Cela méprise l'œuvre que Christ a accomplie au bois du calvaire. Vivez en paix. Soyez pacifiques. C'est vrai. Respectez-vous les uns les autres. Soyez compréhensifs. C'est vrai. Priez les uns les autres. C'est vrai. N'imitez pas les païens. Renoncez à la colère. Renoncez aux injures. Renoncez au mauvais caractère. Renoncez à la méchanceté. Que l'amour et la paix couvrent toutes nos relations. C'est vrai. Soyez la portion de Christ. N'agissez plus comme des méchants. Comme de méchantes femmes. Ne soyez en scandale. Ni à un frère. Voilà kwa nduku. Ni à une sœur. Voilà kwa dada. Ni à tes enfants. Voilà kwa toto yako. Ni à la sœur. Voilà kwa mke wako dada. Voilà. Ne soyez en scandale. Apana kwa kikwazo. Hata kwa jirani yako. Hata kwa watu wa na familia. Hata kwa watu wa jamaa yako mlozaliko. Soyez toujours édifiant. Mpate kuya paka wa kujengwa. Soyez toujours édifiant. Kujenga. Soyez un parfum de bonne odeur. Uye manukato harufu mzuri. Vivez. Ishi. Pour la gloire du Seigneur. Ya utukufu ya Bwana. Honorez Dieu dans toutes vos relations. Honorez Dieu dans tout ce que tu feras. Bile biote utafanya. Ne soyez pas séduits par le diable. Pana kutongozwa na shetani. Ne troublez personne. Pana kuburuka urusha mutu. Ne soyez pas une source. Pana kuya chemchemu. De troubles même dans l'église. Ya mvuruko ata mkanisa. Ne soyez pas. Pana kuya une source de malédiction. Chemchemu ya laana. Ne soyez jamais. Pana kuya kamwe. L'instrument de Satan. Chombo cha shetani. Pour troubler l'église. Kanisa. Pour troubler votre famille. Jamaa yenu. Que Dieu de paix Mungu wa salama, bénisse chacun de abariki vous kila moja wenu, au nom de Jina la Yesu Christu. Lève-nous pour sépare ces paroles ni kupitia imisemu, que nous achevons njo tunamaliza, le livre de Ruth kitabu kya Luta, et demain nous allons commencer na kesho tutaanza, avec le plan du salut na mapu ya wokovu. Que mukenja iba kwetu. Nyanda umbai bwana yo on chante quand twimbe imwimbo Yesu imu kungila pano emu kandebu ondame Yeah. va refuser la parole de Dieu pour quelle raison? Utakataria nini neno la Mungu? Qu'as-tu comme raison? Ninini sawa sababu kunayo? Pour rejeter Jiawe kukatala cette bonne parole. Ineno nzuri. Qui vous sauve? Ile inemekoa. Qui amène la paix dans ile votre vie? Unaleta salama dans votre cœur, moyo wenu, dans votre foyer, jamaa yenu. Qui vous rassure le salut? Ikunimehakikishia ta wokovu. Pourquoi vous allez refuser Dieu? Jua nini utamkatala Yesu? Il te supplie. Ekuna kusi. Si. Il te supplie. Viens à lui. Recevez le repos de ton âme. Pourquoi tu vas le refuser? Prions. Seigneur Jésus. Merci.